Le fond de culotte qui frotte sur ses bottes, un bec à sa femme, oublie pas sa calotte. Sa 30-06 chargée à bloc s'en va dans le bois à chasse au boc. Pendant que ses chums se parfument à l'urine, Johnny fait semblant de chercher sa carabine. J'ai dû l'oublier quelque part à la maison, j'vais la chercher, ce sera pas long. Le cœur léger, toujours à la bonne place, au bord avec les bœufs de chasse. Faut bien s'amuser quand l'automne est là, c'est vrai qu'un boc c'est fait pour ça. C'est sûr que des fois, il s'ennuie de coller, mais quand t'es au bord, tu peux toujours pratiquer. Emmène-moi une grosse pie, un petit brandy, pour que je cale ça à ma santé. Penser à ses chums, ça donne des remords, mais ça y posite quand il boit du fort. Danser la samba au milieu du troupeau, la langue à terre comme un petit veau. Le cœur léger, toujours à la bonne place, au bord avec les bœufs de chasse. Faut bien s'amuser quand l'automne est là, c'est vrai qu'un roc c'est fait pour ça. En sortant du bord, John était ben sous, il avait oublié où ce qu'il a mis son quatre roues. Il est parti à pied, usé ses semelles, pour aller se coucher.